الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. إذا طلبته أعطاك. Quand tu lui demandes quelque chose, il te la donne. وإذا مرضت شافاك. Et quand tu tombes malade, il te guérit. وإذا توكلت عليه أغناك. Et lorsque tu t'en remets à lui, il t'enrichit. وإذا نسيته لم ينساك. Et lorsque tu l'oublies, il ne t'oubliera jamais. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager de Dieu, prière et salut sur lui, dit اغتنم خمسا قبل خمسين. Profite de cinq, c'est-à-dire cinq choses, avant cinq autres. شبابك قبل هرمك. Ta jeunesse, profite de ta jeunesse. Profite de ta jeunesse, c'est pas dans les interdits, la distraction. Ça veut dire prophète dans ta jeunesse pour l'adoration de Dieu, subhanahu wa ta'ala. شبابك قبل هرمك. Ta jeunesse avant ta vieillesse. وصحتك قبل سقمك. Et ta santé, profite de ta santé avant ta maladie, avant d'être malade. وغناك قبل فقرك. Et profite de ta richesse avant de devenir pauvre. وفراغك قبل شغلك. Et profite de ta disponibilité avant ton indisponibilité. وحياتك قبل موتك. Et profite de ta vie avant ta mort. اغتنم خمسا قبل خمس. شبابك قبل هرمك. صحتك قبل سقمك. قبل مرضك. غناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك. رواه الإمام الحاكم. Rapporté par l'imam al-Hakim. وقال صحيح على شرطهما. يعني على شرط الإمام البخاري والإمام مسلم. Et qu'il a qualifié authentique selon les conditions des deux imams. Ça veut dire l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. أخي أختي هل طبقت هذه الوصية النبوية. Frère ou sœur, as-tu pratiqué ou as-tu mis en pratique ce testament prophétique? هل اغتنمت الخمسة؟ As-tu profité des cinq? أم هل ضيعت الخمسة؟ Ou as-tu perdu ou négligé les cinq? اليوم شباب وغدا هرم. Aujourd'hui, c'est une jeunesse, mais demain, ça va être une vieillesse. اليوم صحة وغدا سقم. Aujourd'hui, il s'agit d'une santé, une bonne et excellente santé. Mais demain, ça va être une maladie, ça va être le lit, ça va être l'incapacité, ça va être la dépendance. اليوم غنى وغدا فقر. Aujourd'hui, il s'agit d'une richesse, mais qui sait, demain, ça va être une pauvreté. اليوم فراغ وغدا شغل. Aujourd'hui, il s'agit d'une inoccupation. Il y a du temps libre, mais demain, il peut y avoir une occupation. اليوم حياة وغدا موت. Aujourd'hui, il s'agit d'une vie, mais demain, ça va être une mort. ثم قبر. Et par la suite, une tombe. ثم بعث. Et par la suite, une résurrection. ثم حساب. Et par la suite, un jugement. ثم جنة. أو نار. Et par la suite, il y aura soit un paradis, soit un enfer. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et digne de confiance. كان إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه حتى يعني تتمزق رجلاه ويخرج الدم من الرجلين. Lorsqu'il faisait ses prières nocturnes, il restait debout très longtemps, jusqu'au point que ses pieds se fissuraient. قالت عائشة رضي الله عنها عائشة que Dieu soit satisfait d'elle lui dit يا رسول الله ô messager de Dieu أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر fais-tu cela ça veut dire ces prières très longues et Dieu t'a pardonné tous tes péchés antérieurs ou postérieurs فقال صلى الله عليه وسلم et il a dit prière et salut sur lui يا عائشة أو عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ou bien un serviteur qui remercie Dieu pour cela متفق عليه unanimement authentique سيدي أمير الأنبياء maître émir des prophètes صلى الله عليك عدد نجوم السماء que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel wa rimal as-sahra au nom des sables du désert wa awlad adam wa hawa et au nom de la descendance d'Adam et Ève amma ba'd après ceci ayyuha al-ikhwat wal akhawat fi al-islam mes frères mes sœurs en islam ahbab al-habib muhammadin al-mustafa très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa alayhi afdalu as-salati wa azka as-salam pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations fi al-usbu' al-qadim insha Allah yadkhulu fasl as-sayf dans la semaine prochaine si Dieu le veut il y aura le début de la saison d'été فصل الحرارة العليا la saison de la de très haute température وكلما كانت الحرارة عالية plus la température est élevée ou très élevée تجد الإنسان في الدنيا يفتش عن شيئين tu trouves l'homme ou la personne dans ce bas monde qui cherche deux choses عن الظل وعن الماء البارد. Il cherche l'ombre et il cherche l'eau fraîche. وهذا لا يستطيع أن يبقى أمام الشمس. Il ne peut pas rester sous le soleil de l'été. وهذا يذكر المؤمن. Et ceci fait rappeler aux croyants يوم شديد الحرارة. Un jour où il y aura une très grande, une chaleur ou une haute température. يوم القيامة le jour de la résurrection. يوم لا ظل فيه إلا ظل الله. Un jour où il n'y aura aucune ombre sauf celle de Dieu subhanahu wa ta'ala. ولا ماء فيه إلا ماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et un jour dans lequel il n'y aura aucune eau à part celle du messager de Dieu, prière et salut sur lui, ماء الكوثر. L'eau du Kawthar. Wa al-ku'us bijanib hawd al-Kawthar mitl an-nujum. Adaduha adad an-nujum al-an fi samawat. Rawah al-imam al-Bukhari. Et le nombre des tasses ou le nombre des verres autour du bassin d'al-Kawthar du prophète prière et salut sur lui est égal au nombre, le nombre des tasses ou des verres est égal au nombre des étoiles dans ce bas monde, ça veut dire des milliards, de milliards, de milliards de verres. Malayir, malayir, min al malayir, min al kous, bijani bil kawthar. Walakin, hal satashrab min al kawthar. Mes frères ou sœurs, vas-tu boire du kawthar? Am satatrudu kal malaika. Ou bien tu seras éloigné, repoussé par les anges. Ma'ul kawthar, l'eau du kawthar, abiyab min al-laban. Cette eau est plus blanche que le lait, wa ahla min al-asal. Et plus douce, plus sucrée que le miel, rawahu l'imam muslim, rapporté par l'imam muslim. Turidu dhillallah, wa ma'a rasulillah, veux-tu l'ombre divine? Et l'eau prophétique, كن اليوم في طاعة الله تكن غدا في ظل الله. Sois aujourd'hui dans l'obéissance de Dieu, tu seras demain à l'ombre de Dieu. خذ اليوم سنة رسول الله تأخذ غدا الماء الكوثري من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Suis aujourd'hui la sunna du prophète prière et salut sur lui et tu recevra demain l'eau kawtharite de la main du prophète, prière et salut sur lui. Wa bi hadhihi al-munasaba usafiru bikum ila yawm al-qiyamah. À l'occasion de l'approche de l'été, je vais vous faire voyager vers le jour de la résurrection. Onzuru kullu wahid yafirru min akhi. Regardez, chacun fuit son frère. Wa ummihi wa abihi, chacun fuit son père ou sa mère. Wa sahibatihi wa bani, chacun fuit sa compagne, ça veut dire sa femme ou ses enfants. Onzuru, regardez, al-awlad as-sighar kharaja ash-shaybu min ru'usihim. Regardez, les enfants à bas âge et leurs cheveux, c'est-à-dire les cheveux de leur tête sont devenus blonds. Onzuru kullu murdi'a dahila an waladiha. Regardez, chaque femme ou chaque nourrice est inattentive vis-à-vis de son petit. Wa kullu hamila taba'u hamlaha. Regardez, chaque femme enceinte interrompt sa grossesse. Onzuru an-nas sukara wa ma hum bisukara ma sharibu khamran. Regardez, les gens sont ivres sur le sol du jour de la résurrection, mais ils n'ont pas consommé du vin. Onzuru al-kafir yatamanna fi hadha al-yawm qa'ilan ya laytani kuntu turaba hatta la adhuq al-adhab wa la aqif amam Allah turab wa la adhab. Regardez le mécréant ce jour-ci qui souhaite être une poignée de terre pour ne pas subir le jugement devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Onzuru ila al-malayin min al-malayir min al-bashar waqifin fi yawmin miqdaruhu 50,000 sana. Regardez des milliards de milliards d'humains debout dans un jour qui va durer 50,000 ans. Onzuru kull wahidin ghariq fi 'araqi. Regardez, chacun est bien noyé dans sa propre sueur. Ra'aytu, avez-vous vu, yawmun khatirun shadidun, un jour dangereux, difficile, ziham, une foule, harara, une chaleur extrême, araq, de la sueur, atash, une soif, khawf, une panique, une peur, intibar tawil, une longue attente, 50,000 sana, 50,000 ans. Wa nulahid anna min Isa alayhi salam ila al-yawm faqat 2000 sana. Depuis Jésus, prière et salut sur lui, jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 2000 ans seulement. Walakin huna 50,000 sana, mais là il s'agit de 50,000 ans dans un seul jour. Wa nadhuru hunak, et regardez là-bas. Sab majmu'at bashariyah, sept groupes humains, la yubaluna bima yajri, insouciants de ce qui arrive comme souffrance en ce jour, wa la yu'anuna min 'adhabi dhalika al-yawm, et qui ne souffrent pas de cette grande souffrance ou de ce grand châtiment qui frappe les gens en ce jour. Innahu fi dhillillah yawma la dhilla illa dhillu. Ils sont à l'abri de Dieu le jour où il n'y a aucune abri à part la sienne. Turid an ta'rif hal anta minhum, veux-tu savoir est-ce que tu feras partie parmi eux. Hum alladhina qala anhum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith muttafaq alayh. Il s'agit des gens pour lesquels le prophète, prière et salut sur lui, ou que le prophète, prière et salut sur lui, a cité dans un hadith unanimement authentique. Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Sept seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Wal'an sanaqtarib min dhilli l'ilahi لنزور المجموعات السبع. Maintenant, on va essayer dans notre visite organisée de nous approcher de l'ombre divine afin de visiter les sept groupes. ونبدأ بالمجموعة الأولى المكتوب على بابها إمام عادل. Et on va commencer par le premier groupe avec ou sur la porte duquel est écrit imam équitable. هذه المجموعة, ce groupe, تضم كل العادلين من أئمة المسلمين. Ce groupe contient tous les justes parmi les imams des musulmans. والإمام لا يعني الذي يصلي الصلوات بالمسجد. L'imam ne signifie pas l'homme qui préside les cinq prières ou la prière du vendredi dans une mosquée. Là, non. ولكن الإمام هو الحاكم أو المسؤول الأول عن المسلمين. Mais l'imam signifie ici le dirigeant, le gouvernant, ou bien le premier responsable des musulmans. إن كان صالحا عادلا فهو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. S'il était juste, vertueux, il sera, inshallah, à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aurait aucune ombre à part la sienne. من حكم بالعدل والقسط أحبه الله. Celui qui gouverne avec justice, avec équité, sera aimé par Dieu subhanahu wa ta'ala. قال تعالى, Dieu dit, إن الله يحب المقسطين. Certes, Dieu aime les gens équitables. ومن حكم بالظلم, celui qui gouverne par l'injustice, أبغضه الله, Dieu va le détester, ولعنه, et va le maudire, وحرم عليه الجنة, et va lui interdire le paradis, بمعنى حرم عليه حتى الظل, ça veut dire il va lui interdire l'ombre divine. قال تعالى, Dieu dit, إنه لا يحب الظالمين. Allah لا يحب الظالمين. Certes, il n'aime point les injustes. Ça veut dire Dieu. وقال تعالى, ألا لعنة الله على الظالمين. Et Dieu dit dans un autre verset que la malédiction de Dieu frappe les injustes. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et salut sur lui dit, ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة متفق عليه. الإمام البخاري والإمام مسلم. Quiconque Dieu le rend responsable d'une population et il meurt le jour de son décès en étant trompeur vis-à-vis de ses sujets, Dieu lui interdit le paradis unanimement authentique. ولا يجب أن نظن أن المطالب الوحيد هنا بالعدل هو الحاكم أو القاضي. On ne doit pas, mes frères et mes sœurs, croire que celui qui est concerné dans ce hadith par la justice ou l'équité est bien le gouvernant, le dirigeant ou bien le juge. بل كل مسلم مطالب بالعدل وعدم الظلم. Mais tout musulman doit être juste et non pas injuste. قال تعالى في حديث قدسي, Dieu dit dans un hadith saint, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا, et je l'ai rendu interdite entre vous, ne soyez pas donc injustes les uns envers les autres. رواه الإمام مسلم والترمذي وغيرهم رابورتي بار الإمام مسلم والإمام الترمذي. ولكننا نتكلم دائما عن ظلم الحكام وظلم القضاة وننسى أنفسنا. Mais souvent ou bien toujours on parle de l'injustice des dirigeants, on parle de l'injustice des juges et on oublie nos propres personnes. أخي أختي, frère, sœur, هل أنت عادل مع أصدقائك؟ Es-tu équitable envers tes amis؟ هل أنت عادل بين أبنائك؟ Es-tu équitable envers tes enfants؟ هل أنت عادل مع والديك؟ Es-tu équitable envers tes parents؟ ألا تظلم زوجتك؟ N'es-tu pas injuste envers ta femme؟ ألا تظلمي زوجك؟ N'es-tu pas injuste envers ton mari؟ هل أنت عادل بين أمك وزوجتك؟ Es-tu équitable entre ta mère et ta femme, هل أنت عادل بين زوجتك وأختك؟ Es-tu équitable entre ta femme et ta sœur? هل أنت عادلة بين زوجك وأبيك؟ Es-tu équitable entre ton père et ton mari? ألا تظلم جسمك بإدخال الحرام إليه؟ N'es-tu pas injuste envers ton corps lorsque tu consommes des choses illicites en islam? ألا تظلم مالك باستعماله في الحرام أو بالتبذير? N'es-tu pas injuste envers ta fortune lorsque tu l'utilises dans l'interdit ou par le gaspillage? ألا تظلم الوقت بتضييعه في الحرام? N'es-tu pas injuste envers le temps que Dieu t'a donné comme temps libre en le perdant dans le domaine ou dans les domaines illicites? ألا تظلم نفسك لما تضيع أوامر الله? N'es-tu pas injuste envers toi-même lorsque tu négliges les ordres de Dieu? إذن هل نحن من العادلين المقسطين? Donc, est-ce qu'on est parmi les justes, les vertueux et les équitables? والله لو كنا عادلين كما أراد الله لما احتجنا إلى محاكم ولا إلى قضاة. Par Dieu, si on était juste, équitable, comme Dieu l'a demandé, on n'aurait pas besoin de tribunaux ou bien de juges. ولكننا ظالمين لأنفسنا وغيرنا. Mais le problème, le malheur, on est injuste envers nous-mêmes et envers les autres. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه ابن جبل لما بعثه وليا لليمن. Le messager de Dieu, prière et salut sur lui, a dit à Muad, fils de Jabal, que Dieu soit satisfait de lui lorsqu'il l'a envoyé comme gouverneur au Yémen. Et ya Muad, ô Muad, ittaqi da'wat al-mazloum, méfie-toi de la prière de la victime d'injustice, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Parce que entre elle, cette prière et Dieu, il n'y a aucun voile. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليه. يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال وهب ابن منبه. وهب fils de منبه dit, il raconte une histoire, روى قصة. بنى جبار قصرا. Un tyran a construit pour lui un château, un palais. فجاءت عجوز فقيرة. Une vieille dame pauvre est venue. Et elle a fait construire pour elle une baraque à côté de ce grand palais. جاءت امرأة فقيرة عجوز فبنت إلى جانب القصر كوخا فرآه الجبار يوما. Un de ces jours, l'homme tyran, ce grand roi, a repéré la baraque de la vieille. فقال لمن هذا? Il dit, à qui appartient celle-ci? فقيل لامرأة فقيرة. On répondit, cette baraque appartient à une vieille dame pauvre. فَأَمَرَ بِهَدْمِهِ. Il a donné son ordre suprême de la détruire. فَجَاءَتِ الْعَجُوزُ مَسَاءً. Le soir, la vieille dame est arrivée. فَرَأَتْ بَيْتَهَا مَهْدُومًا. Elle a trouvé sa demeure, sa baraque détruite. فَقَالَتْ مَنْ هَدَمَهُ. Elle a dit, qui a fait cela? فقيل الملك رآه فهدمه. On lui a dit, c'est le roi. Il l'a vu et il a demandé, il a ordonné de la détruire. فرفعت رأسها إلى السماء. Elle, la vieille dame, a levé sa tête vers le ciel. Direction de la prière. قبلت الدعاء. وقالت يا رب. Elle a dit, ô mon Seigneur, إن لم أكن أنا حاضرة فأين كنت أنت. Ô mon Seigneur, quand je n'étais pas présente, où étais-tu? Ya Rab, in lam akun ana hadira, fa ayna kunta anta ya Allah? Ô mon Seigneur, lorsque j'étais absente, où étais-tu? Fa amara Allah Jibril, أن يقلب القصر على من فيه. فقلبه جبريل عليه السلام. Et Dieu a ordonné à l'archange Gabriel de renverser le palais sur ses occupants et il l'a renversé. أمر الملك بهدم الكور. Le tyran a ordonné, le roi a ordonné de détruire la baraque. وأمر ملك الملوك بهدم القصر. Mais le roi suprême, le roi des rois, a ordonné de détruire le palais. Da'watul madloum, laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Il n'y a aucun voile entre la prière d'une victime d'injustice et Dieu. Wa namurru al-an ila al-majmou'a al-thaniya. Et on passe maintenant vers le deuxième groupe. Al-maktoubu ala babiha. Sur la porte duquel est écrit Shabun. نشأ في عبادة الله. Un jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu. وقد ذكر وقد ذكر في الحديث في الرتبة الثانية مباشرة بعد الإمام العادل لفضله عند الله. Et le hadith a cité le jeune adorateur dans la deuxième place. Il a occupé la deuxième place directement après l'imam équitable. Parce que le jeune adorateur a un grand mérite auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ عَرَفَ اللَّهُ. Parce qu'il a connu Dieu à sa jeunesse. وَعَبَدَهُ مُنْدُ صِغَرِهِ. Et il a adoré Dieu depuis son enfance. لَمْ يُلْهِهِ اللَّعِبِ. Il n'a pas été distrait par les jeux. وَلَمْ يُلْهِهِ أَيُّ شَيْءٍ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ. Aucune distraction ne l'a éloigné de l'adoration de son Seigneur. وَلَمْ يَلْفُهُ نَظِيفًا. Son dossier est resté vierge, propre. لَمْ يَشْرَبْ خَمْرًا. Il n'a pas consommé le vin. لَمْ يَتَنَاوَلْ مُخَدِّرًا. Il n'a pas consommé les drogues. لَمْ يَزْنِي بِفَتَاتٍ. Il n'a pas commis l'adultère avec une jeune fille. لَمْ يَسْرِقْ. Il n'a pas volé. لَمْ يَعْتَدِي عَلَى الْآخَرِينَ. Il n'a pas agressé les autres. بَلْ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Plutôt, il était parmi les vertueux. أحب الله. Il a aimé Dieu. وَأَحَبَّ الْعِبَادَ مُنْدُ فَطْرَةَ الشَّبَابِ. Et il a aimé l'adoration depuis l'époque de la jeunesse. فَأَحَبَّهُ اللَّهُ. Et en contrepartie, Dieu l'a aimé. وَأَدْخَلَهُ فِي ظِلِّهِ. يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ. Et il va le faire bénéficier de son ombre le jour où il n'y aurait aucune ombre à part la sienne. مَعَ مَجْمُوعَةَ الشَّبَابِ الْعَابِدِ. Dieu va le faire entrer dans le groupe des jeunes adorateurs. وَأَقُولُ لِلشَّبَابِ الْمُسْلِمِ. Et je dis aujourd'hui à la jeunesse musulmane, لَا تَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ne soyez pas parmi les injustes. إِنَّكُمْ فِي سِنِّ الشَّبَابِ. Vous êtes, félicitations pour vous. Vous êtes à l'âge de la jeunesse. فَلَا تُضَيِّعُ هَذِهِ الْفُرْصَةِ. Ne ratez pas cette occasion. لَا تُضَيِّعُ ظِلَّ اللَّهِ. Ne ratez pas l'ombre de Dieu. Réservez pour vous une place à l'ombre de Dieu pendant votre jeunesse. U'budu rabbakum fi shababikum. Adorez votre Seigneur pendant votre jeunesse. Tafuzu bi ridha khaliqikum. Et vous récolterez l'agrément de votre Créateur. Wa iyyakum wal inhiraf al khuluqi. Méfiez-vous de la déviation morale. Fa kafana ma ra'ayna. Ça nous suffit ce que nous avons vu en France. Fi France. من المصائب ce que nous avons vu comme malheur. السجون مملوء بشباب المسلمين. Les maisons d'arrêt, les prisons sont pleines de la jeunesse musulmane. كل يوم نسمع. Chaque jour on entend انهم سرقوا سيارة او احرقوها. Ils ont volé une voiture et ils l'ont incendiée. سرقوا متجرا. Ils ont cambriolé un magasin. اعتدوا على احد. Ils ont agressé quelqu'un. Muslimin, des musulmans. اغتصبوا فتاة. Ils ont violé une jeune fille comme s'ils sont devenus des animaux. الى اخره, etc. هكذا يكون شباب المسلمين قطاع طرق. Est-ce que c'est comme ça que doivent se comporter les jeunes musulmans comme des pirates de route, muhtarifi sariqa, des professionnels dans le vol? Hal rabbukum radin ankum? Est-ce que votre Seigneur est satisfait de vous? Hal nabiyukum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radin ankum wa an a'malikum? Est-ce que votre prophète Muhammad, prière et salut sur lui, est satisfait de vous et de vos actions? Cher musulman, fi layla min layali Ramadan, yadrib abahu في بطنه ويسقطه في ليلة من ليالي رمضان. Un jeune musulman en France a frappé avec un coup de pied pendant une nuit du mois de Ramadan, ce mois sacré. Il a frappé son père dans son ventre et il l'a fait tomber. وشاب آخر, un autre jeune, قتل أباه بالسكين. Il a tué son père, il a assassiné son père en le poignardant avec son couteau à plusieurs reprises. Et je m'interroge, sommes-nous toujours des musulmans? أما عن العلاقات المحرمة بين الشباب والشابات فلا تسأل. Mais en ce qui concerne les relations interdites entre les jeunes musulmans et musulmanes, c'est pas la peine de parler. فقد ملأوا المستشفيات بأبناء الزنا. Ils ont rempli les hôpitaux par les fils ou les enfants d'adultère. كانت القاعدة, la règle était dans le passé, في القديم, نتزوج ثم نلد, on se marie et par la suite on fait des enfants. صارت الآن, cette règle a changé, نلد ثم نتزوج, on fait des enfants et par la suite on se marie. مرة دعيت لكتابة عقد زواج بين شابين منذ أكثر من 16 سنة. Depuis plus de 16 ans, on m'a invité une fois à écrire l'acte de mariage entre deux jeunes. وعرفت بأن الشابة حامل في الشهر الثامن. Et on m'a informé que la jeune fille est bien enceinte depuis 8 mois. فطلبت أن أكلمهما على انفراد. J'ai demandé à la famille de parler, de rester seul à seul avec ces deux. وقبل البداية, لما بقينا وحدنا, أصابهما ضحك متواصل. هي تضحك وهو يضحك وأنا لا أعرف. Au début, ils ont eu un fou rire. Les deux riaient, moi je ne savais pas pourquoi ils sont en train de rire. هذا شبابنا. Ça donne une image de notre jeunesse. وتعجبت هل هذا وقت ضحك. Je me suis étonné, s'agit-il d'un moment de rire. وذكرتهما بذنب الزنا الكبير. Je leur ai rappelé le grand péché, l'énorme péché de l'adultère. وذكرتهما بالموت. Je leur ai rappelé la mort. وعذاب الله, et le châtiment de Dieu. وبأن الحمل من زنا. Et comme quoi cette grossesse provient de l'adultère. وَبْنُ الزِّنَا لَا يَرِتْ فِي الْإِسْلَامِ. Le fils d'adultère n'hérite pas en islam. وَلَا يُنْسَبُ إِلَىٰ أَبِيهِ. Il ne sera pas attribué à son père. وَذَكَّرْتُهُمَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ لِمَنْ تَابَ مِنْ عِبَادِهِ. Et je leur ai rappelé la grande, l'immense miséricorde de Dieu réservée à ceux parmi ses serviteurs qui se repentent. ومنذ بدأت في الكلام, et depuis que j'ai commencé à parler, انقطع الضحك, le rire s'est achevé. وخيم الهدوء, et le calme a régné. وبكت الشاب, et la jeune musulmane a pleuré. وسالت دموعها في صمت وخشوع, ses larmes ont coulé dans le grand silence et le grand recueillement. وكم يفرح الله بتوبتي ودموع عبده المذنب. Et combien Dieu se montre satisfait par les larmes et le repentir de son serviteur pécheur. من الذي أبكى الفتاة المذنبة الضاحكة. Qui a fait rire la jeune musulmane pécheuse rieuse. أبكتها فطرتها الإسلامية. C'est son islam inné qui l'a fait pleurer. لما وجدت من يذكرها بربها. Lorsqu'elle a trouvé quelqu'un qui lui a rappelé son Seigneur. هذا هو الدواء الذي يحتاج إليه اليوم. كَثِيرٌ مِنَ الشَّبَابِ الْمُسْلِمِ الضَّائِعِ. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes musulmans égarés ont besoin de ce médicament qui est le repentir et le retour vers l'adoration de Dieu. هَذَا الدَّوَاءَ الَّذِي يُسَمَّى التَّوْبَةِ والعودة إلى عبادة الله وأمر إلى المجموعة الثالثة المكتوب على بابها. Et je passe vers le troisième groupe devant la ou sur la porte duquel est marqué رجل قلبه معلق بالمقاهي معلق بالملاعب معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد. Il est marqué sur la porte de ce groupe un homme dont le cœur est attaché, j'ai dit en arabe, pas au café, au bar, au lieu de distraction, aux boîtes, etc. Attaché aux mosquées. من قضى حياته في ظل المساجد. Celui qui aura passé sa vie à l'ombre des mosquées, كان يوم القيامة في ظل الله. En contrepartie, le jour de la résurrection, il sera à l'ombre de Dieu. رجل يحب بيوت الله. Un homme qui aime les maisons de Dieu. يصلي دائما في المسجد. Il prie toujours dans la mosquée. لا تفوته صلاة الجماعة إلا لعذر. Qui ne rate jamais la prière collective que lorsqu'il y a une excuse. يشارك بنفسه وماله في بناء وصيانة المساجد. Il participe toujours avec sa personne, avec ses biens, à la construction et à l'entretien des mosquées. Il participe physiquement et financièrement. لا يبخل بماله ونفسه عن المساجد أبدا. Il n'est jamais avare, ou il ne se comporte jamais comme avare, ni par sa personne, ni par ses biens vis-à-vis des mosquées. إذا دخل المسجد أخذه الحياء من الله. Lorsqu'il entre dans la mosquée, il est envahi par la pudeur vis-à-vis de Dieu. يصير متواضعا. Il devient modeste, humble devant Dieu. يصلي, il prie. يقرأ القرآن, il récite le Coran. يذكر الله, il évoque Dieu. يتعلم دينه, il apprend sa religion. لا يأتي للمسجد من أجل الكلام الفارغ مع الأصحاب. Il ne vient pas à la mosquée pour les paroles vides avec les copains. ولا من أجل الضحك والنكث والتنكيد. Il ne vient pas à la mosquée pour rire, pour raconter des blagues. ولا من أجل الصراخ أو الخصومة. Il ne vient pas à la mosquée afin de crier sur les autres ou afin de se disputer avec les autres. ولا من أجل إذاء الناس. Il ne vient pas afin de nuire aux autres. ولا من أجل التشويش على المصلين أو الذاكرين بكلامه أو ضحكه أو أعماله وحركاته. Il ne vient pas à la mosquée afin de déranger les prieurs, les évocateurs, soit avec ses paroles ou avec son rire ou avec ses actions. ولا من أجل إشعال نار الفتنة في بيت الله. Il ne vient pas à la mosquée afin de nourrir, afin d'allumer les feux de la discorde entre les musulmans dans la maison de Dieu. من كان هكذا هنيئا له. Celui qui se comporte ainsi, félicitations pour lui. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Parce que le prophète, prière et salut sur lui, dit من غدا إلى المسجد أو راح. Celui qui part à la mosquée ou qui en revient, أعد الله له في الجنة نزلا. Dieu lui prépare dans le paradis une demeure. Kullama ghada aw rah. À chaque aller ou à chaque retour. Muttafaqun alayh. Al-Bukhari wa Muslim. Unanimement authentique. Al-Bukhari et Muslim. Ara'ayta ya akhi wa ya ukhti. As-tu vu, frère ou sœur, khamsu manazil fil yawm. Ala shati' kada aw shati' kada la fi shati' al-jannah. Fil jannah. Cinq demeures chaque jour dans le paradis. أكثر من 90,000 منزل في 50 سنة. Plus que 90 000 demeures dans le paradis, à lui seul une ville, pendant 50 ans. ونمر الآن إلى المجموعة الرابعة. Et on passe maintenant vers le quatrième groupe. المكتوب على بابها. Sur la porte duquel est marqué رجلان تحابا في الله. Deux hommes qui s'aimaient mutuellement pour Dieu. Ils se rencontraient et se séparaient pour lui. Il s'agit de deux hommes ou bien deux femmes qui sont devenus amis. La ala tama, non pas pour la cupidité, wa la ala haram, et non pas pour accomplir l'interdit, wa la ala dunya, non pas pour acquérir les biens de ce bas monde, wa la ala masalih, et non pas pour des profits ou des intérêts personnels, wa la ala kalam finnas, et non pas pour pratiquer la médisance, walakin alladhi jama'a baynahuma huwa mahabbatullah, mais la seule chose qui les a unis était bien l'amour en Dieu. Et en contrepartie, Dieu les a aimés pour leur sincérité dans l'amour des uns pour les autres. Et en contrepartie, Dieu leur a donné son ombre le jour de la résurrection. Rawal Imam Ahmed wa Nasa'i wa ghayruhum 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam Ahmed, al-Imam an-Nasa'i et d'autres ont rapporté sur le prophète, prière et salut sur lui, anna ha'ula al-mutahabbin fi Allah, comme quoi ces gens qui s'aimaient mutuellement pour Dieu, yajlisuna 'ala manabir min nur, ils seront assis sur des trônes, si vous voulez, sur des minbar construit à partir de la lumière. Leurs trônes sont faits de lumière. Et ils ne vont connaître ni peur, ni deuil ou tristesse. Avez-vous vu la récompense pour l'amour en Dieu ? Et malgré cet immense salaire pour l'amour, nous, les musulmans, nous avons choisi l'inimitié, wal-baghda, la haine, wal-karahiyah, la détestation, wal-hiqd, la rancune, wal-hasad, la jalousie, fi sabilin-nafs, wal-intiqam, tout ça pour satisfaire son ego et pour se venger pour sa personne. Badal al-hub fillah, au lieu de choisir l'amour en Dieu. Akhi, frère, kam laka min sadiq, combien as-tu d'amis ? Ourti, sœur, kam laki min sadiqa, combien as-tu de copines ? Ikhtartahum lillahi faqat. Est-ce que tu les as choisis uniquement pour Dieu ? Akhi, ourti, frère, sœur, hal takhtar asdiqa'ak min ajli tahqiq masalihik wa ahdafik ? Choisis-tu tes amis afin de réaliser tes profits et tes objectifs et tes intérêts personnels, ou bien uniquement pour satisfaire Dieu.